sans code, avec des personnages déboussolés, déjouant les certitudes du spectateur. C'est une série sur la désorientation. Eh bien, j'ai pourtant une autre interprétation. C'est une série qui, à force de mystère, refuse de s'engager, de prendre parti et cache derrière sa valorisation du spectateur sa propre indécision. C'est pourquoi j'ai pour ma part décidé d'arrêter de la regarder au début de la deuxième saison, lassée par cette absence de réponse. Et c'est pourquoi je pose cette question de la fin. Entre une fin attendue, téléphonée et la fin ouverte, n'y a-t-il pas un entre-deux? Mais la fin peut-elle être un juste milieu? I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. À l'inverse de The Leftovers, j'ai regardé de bout en bout la série Mad Men, sur des publicitaires, je rappelle, dans le New York des années 60, qui se finit avec cette pub Coca-Cola. Je ne voyais pas de meilleure fin, car on y voit chaque personnage et sa résolution, mort, couple ou autre. Pourtant, certains ne l'ont pas aimé, trop cucu, trop précise, trop happy end. D'où ma question, qu'est-ce qu'une bonne fin absolument? Existe-t-elle? Est-ce une fin qui apporte des réponses ou reste en suspens? La fin est-elle juste un point final, une interruption du récit, ou doit-elle le clore, le conclure, l'accomplir? La fin doit-elle être un moment temporel? Ou carrément la visée, le but, la finalité du récit, au fond, et la question est celle-ci, comment finir, quelle valeur donner à cet acte? Et si on y pense, la question se pose tous les jours. Du bien cordialement d'un mail à la chute d'une blague, à la fin d'une histoire d'un amour, comment finir ce qu'on a commencé? Faut-il en finir, tout simplement? Et peut-on ne pas vouloir en finir? La série Les Sopranos se finit comme ça, la famille se retrouve et tout d'un coup, noir à l'écran, blanc, plus de paroles, en plein repas, en pleine chanson, on ne peut plus suggestive sur un don't stop. Ce qui me pousse à me demander, plutôt que de chercher la bonne fin, est-il en fait possible de ne jamais en finir? Les séries cycliques, répétitives, les suites, les prequels, nous auraient-ils déshabitués de vraies fins? Les célèbres moralités des fables de La Fontaine. Je crois surtout qu'ils révèlent une transformation de notre propre rapport aux fins. On ne veut jamais en finir et laisser tout en suspens. Pensez à Johnny Hallyday qui sort encore un album, à ses ex qui sont désormais des amis, à un mail qui se finit toujours par « bon courage pour la suite ». Refus de la mort, de la réponse définitive, du coup d'arrêt imposé par autrui, j'y vois pour ma part un défi lancé à l'irréversible, un rejet de la chance unique, sans possibilité de retour ou de délibération. Le défi serait peut-être en fait de choisir sa propre fin, même mauvaise, irrévocablement, délibérément. C'est ce qu'on fait à la radio, on finit tous les jours et on recommence le lendemain. Exactement, obligé de finir quand même à un moment donné. Voilà, et c'est toujours la même fin, c'est ça qui est rassurant. Vous aviez un conseil à nous donner? Alors, Paco Mtielman a écrit avec Sarah Huchel The Leftovers, le troisième côté du miroir, c'est chez Playlist Society. Bon, regardez quand même la fin de Leftovers, même si la fin est insatisfaisante, la troisième saison vaut la peine. Non, mais je ne la regarderai pas. À demain. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alice Seyed. À la lecture des textes, Thibaut de Montalembert. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre voyage en compagnie d'Ulysse sur la route de l'Odyssée d'Homère. Demain, eh bien, on arrivera enfin à Ithaque. À côté d'Ulysse, évidemment, en compagnie de Pierre Pellegrin, on s'interrogera sur la dimension politique de la fin du texte et du massacre des prétendants par Ulysse. L'émission s'annonce sanglante. D'ici là, pour réécouter l'émission du jour en compagnie de Suzanne Saïd, c'est possible, hein, vous vous rendez sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger l'émission, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et l'inscrire dans la série d'émissions, puisque à chaque semaine d'émission correspond une série, un thème, et cette semaine, c'est l'Odyssée. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où les chemins, l'équipe des chemins, anime un compte. Eh bien, on vous attend quotidiennement, on met l'émission en ligne, et puis on attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.